du bonheur, 7 jours sur 7, 24 sur 24, très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous. Bienvenue à bord de Party After, c'est Pascal Mancini pour vous accompagner jusqu'à midi. Outer Limits. Moving on. Party After, c'est Pascal Mancini chaque dimanche de 10h à midi sur Galaxy. Galaxy. Party After, c'est Pascal Mancini chaque dimanche de 10h à midi sur Galaxy. The mirror of myself. Am I somebody else? I don't wanna be. The mirror of myself. Am I somebody else? I don't wanna be. 21h26 sur les ondes de Galaxy. Merci de votre grande fidélité. Vous écoutez depuis 10h. C'est parti After. Je vous souhaite bien sûr une excellente fin de matinée. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Du fameux tube de Freddie Mercury. Juste avant de repartir en musique, on va faire un petit tour du côté de l'information de proximité. On vous parle tout de suite de l'association Red Online qui vous propose une randonnée pour ce dimanche. C'est à partir de 14h45 et ça se passe place de la République. Second départ, ça sera vers 15h50. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur le www.rollasso.fr. On vous parle aussi le goût des mots, rencontre goût des mots. Ça sera aussi jusqu'aujourd'hui pour les passionnés de lecture qui se réunissent dans une ambiance détendue et conviviale pour partager leurs découvertes littéraires et leurs coups de cœur. Entrée libre, plus d'infos 03 20 28 44 45. Je répète ce numéro 03 20 28 44 45. Et on va terminer avec le carnaval de Waterloo pour le 30e carnaval de Waterloo. Ça se passe jusqu'à aujourd'hui aussi. 30 ans de carnaval, soirée de la confrérie, défilé géant, musicien Gilles, réconstitution sont au programme de ces 30 anniversaires. Plus d'infos, on vous rappelle www.villewaterloo.fr ou 03 20 75 85 86. Et vous pouvez retrouver bien sûr toutes ces informations sur le site de Galaxy, www.galaxyfm.com. Et on repart tout de suite en musique. Party After, c'est Pascal Mancini chaque dimanche de 10h à midi sur Galaxy. Like heaven, I'll wait there forever till I'm out of the cold, yeah. And when I hear you calling, I'm in heaven, we'll be there together, no, I won't be alone. And when I see you, they can lose all control, like a fire burning deep in my soul, yeah. And when I feel you, it feels like I'm in heaven, it goes on forever like a diamond of gold. And when I hear you, like heaven, I'll wait there forever till I'm out of the cold, yeah. And when I hear you calling, I'm in heaven, we'll be there together, so I won't be alone. Well, when I see you, they can lose all control, like a fire burning deep in my soul, yeah. And when I feel you, it feels like I'm in heaven, it goes on forever like a diamond of gold. And when I hear you calling, it's like heaven, I'll wait there forever till I'm out of the cold. And when I hear you calling, I'm in heaven, we'll be there together. week-end. Sur Galaxy.

Party After, chaque dimanche, 10h midi, Pascal Mancini sur Galaxy. Fred Legrand vs Funkerman, il est 11h passé de 4 minutes, il nous reste une petite heure à passer ensemble juste avant de vous faire découvrir les dernières nouveautés électroniques du moment. Voici tout de suite en souvenir Josh One. Oh, et de la nuit. Et je vous ai parlé de nouveautés, bien sûr. Voici tout de suite en nouveauté, c'est Outwork. Écoutez bien, c'est Fiesta Electronica, un bon petit rythme, assez dansant. Voici tout de suite, je vous rappelle ce titre, Outwork, Fiesta Electronica, et c'est sous le label Tambour. get that feeling all over my body. I wanna feel you climb all over me, all over my skin. I just can't help myself, I can't describe what happens to me every time I taste you. I can't get the first experience out of my mind. Scène électronique à l'instant avec Atiras pour le titre Just a Type sous le label Ibias. On poursuit du côté de la nouveauté. Voici tout de suite le retour en force d'Ultra Naté avec le titre Automatique et c'est sous le label Vendetta.

doing too. Sex rape. She doing too. Et 30 minutes sur les ondes de Galaxy. On va vous parler tout de suite de quelques informations de proximité. On commence tout de suite avec l'amicale des anciens de la Légion étrangère de Falampin qui organise sa 11e bourse militaria. Souvenirs militaires, médailles, insignes, livres militaires toute époque. Ça se passe aujourd'hui même à partir de 8h à la salle MJC de Falampin près de la mairie. Présence du poste de recrutement de la Légion étrangère de Lille. L'entrée est de 2€ gratuite pour les moins de 16 ans. Un numéro de téléphone, c'est le 06 77 14 46 46. On vous parle aussi du carnaval de Wattrelo. C'est le 30e carnaval de Wattrelo. Aujourd'hui même, ça se termine aujourd'hui. Exposition avec beaucoup de défilés, géants, musiciens, Gilles, Reconstitution sont au programme de ce 30e anniversaire. Plus d'informations, vous pouvez aller sur le site www.ville ou .-wattrelo.fr ou 03 20 78 85 86. Et on va terminer bien sûr avec les résidences et créations en tournée. Christophe et Antoine et la compagnie ont le plaisir du chiffonner le mardi 8 avril à partir de 20h30 à la condition publique de Roubaix, une pièce de théâtre oscillant entre comique et tragique, un conte surréaliste qui évoque la difficulté de grandir dans nos sociétés occidentales. Renseignements et réservations 03 28 33 48 33 ou sur le www.laconditionpublique.com. Et vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces informations et bien d'autres sur le site de Galaxy, www.galaxyfm.com. After, chaque dimanche, 10h midi, Pascal Mancini sur Galaxy. Galaxy. Galaxy. Don't stop, stop music. I got to get a little more. galaxy. Music for happy people. Happy people. Happy people. Dario Denet à l'instant avec le titre Kawumi sous le label Essentiel à Ous. Il nous reste une dizaine de minutes à passer ensemble tout à l'heure aux alentours de midi. C'est Tom que vous retrouverez aujourd'hui pour une session à Ous, suivi de Michael H, Chakam, Steve de 18h à 20h, Mandré de 20h à 22h, Guillaume de Baskerville pour son émission Prélude à partir de 22h jusqu'à 23h, et ensuite vous retrouverez Sick pour sa session hardcore de 23h à 1h du matin. Pour terminer cette émission, merci de l'avoir suivi, merci de votre grande fidélité tout à l'heure. Maintenant, dans quelques instants, c'est Tom que vous retrouverez. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi le retrouver un samedi sur deux. Il est en résidence au VIP Chaussée de Tournée à Bellegem. Et vous pouvez aussi contacter son site internet www.djtom.fr. Bien sûr, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Je vous souhaite une excellente après-midi. Voici tout de suite Tom pour la session House.